On a eu la chance de parler avec l'ex-président des Alouettes de Montréal, Larry Smith. On sait qu'il y a eu des rumeurs cette semaine que les Alouettes seraient à vendre, rumeurs qui n'ont pas été démenties. Dans un premier temps, Larry Smith mentionne que c'est peut-être le temps, évidemment, que pour la famille Whitehall de vendre l'équipe. Une chose, Danny, c'est que Bob Whitehall a fait un excellent travail. Il a pris le club au plus pire moment. Ouais. Vous savez que dans n'importe quelle ligue, il y a toujours les contretemps puis les défis, puis il y a un cycle de vie pour un propriétaire. Puis je pense que quand j'observe la situation de loin, c'est évident que le temps est venu pour la famille Whitehall de prendre une décision. Et c'est normal, c'est normal. Bob Whitehall a fait un excellent travail. Il a réétabli le club, il a toujours financé les déficits, etc. Mais par contre, il faut que ça tourne, ça change, puis maintenant, ils ont besoin de recréer l'institution. Puis, Dans un deuxième temps, l'ex-président Larry Smith mentionne que c'est tout à fait normal que Andrew Whitehall ait moins de sentiments d'appartenance envers les Alouettes que son père, Bob Whitehall. Si, là. Mais vous savez, le challenge, le défi toujours avec une famille et un business familial, c'est quand le père qui était un joueur dominant ou une mère qui est un joueur dominant, quand ils prennent leur retraite ou ils prennent le temps de dire « OK, je vais amener mon fils ou ma fille dans le portrait pour gérer cette business-là », c'est toujours la question. Est-ce que le suivi est assez fort que la personne qui a bâti ça. Alors, c'est pas une critique de Andrew Whitehall du tout, mais c'est normal, c'est comme la nature de vie. OK. Poser la question à Larry Smith, s'il serait pas temps pour les Alouettes d'avoir leur propre stade, et selon l'ex-président, ben, c'est toujours une question d'argent pour avoir un tel projet. Attends, est-ce que tu es d'accord avec moi? Mais vous savez que la question, c'est toujours une question d'argent. Ouais. C'est une question aussi de voir... est-ce que les Alouettes peuvent, si éventuellement il y a un retour de baseball à Montréal, j'ai entendu Mitch Garber sur la radio, puis lui a dit qu'il faut avoir un stade de à peu près 33 000 places, puis c'est exactement la grandeur de stade qu'ils ont besoin pour le baseball, mais par contre, est-ce que c'est réel comme rêve que les gens ils ont, et si, est-ce qu'un club de football dans le LCF peut jouer un rôle avec un groupe comme ça? Alors, il y a beaucoup de questions, Danny, mais le point est que pour bâtir un stade, et vous avez vu ça avec la proposition des gens de Halifax, ouais. C'est un coût d'à peu près 200, 225 à 250 millions. Alors, c'est le vrai argent. Alors, il faut que toutes les places ou les pièces-là, il va tomber dans place pour avoir la construction d'un stade. Alors, beaucoup de questions à regarder, beaucoup de questions à poser et beaucoup de considérations que quelqu'un faut donner avec une approche très solide. L'approche de Bob Whitehall était solide. Et quand il a dit des choses, quand j'ai travaillé avec lui, avec le club, quand il a dit qu'il va faire quelque chose, il a toujours livré. C'est pas pour dire que les gens n'ont pas la compétence ou la force de faire ça, mais c'est une évolution de nature qui a pris son place. Puis si c'est à vendre maintenant, merci pour la famille Whitehall, mais espérant que quelqu'un avec un engagement très fort va prendre cette club. Ben, c'est ça que ça... Maintenant, j'ai posé la question à l'ex-président des Alouettes. Maintenant, sur le fait que les prochains propriétaires devraient avoir un sentiment d'appartenance fort et un engagement fort pour que ça fonctionne. Je pense que le challenge, c'est toujours qui est le groupe de qui est le propriétaire? Un. Deux. Ouais. Est-ce que le propriétaire, qu'est-ce qu'il veut avoir comme leader? Il faut regarder tous les gens en place maintenant. Il faut regarder le setup, si tu veux, de l'organisation actuelle pour déterminer qui va rester, qui va sortir. Et la question d'avoir les anciennes, c'est une excellente question. Mais par contre, quelqu'un qui est un ancien, faut que cette personne-là ait bâti une carrière impressionnante pour retourner dans une situation comme entrepreneur. Ouais. Eric Lapointe, c'est un bonhomme qui a bâti son business. J'ai toujours dit que Eric C'est un bonhomme avec beaucoup de compétences, pas juste comme joueur de football, mais comme administrateur. Parce que le football que vous avez joué, c'est un atout, mais par contre, le vrai atout, c'est votre compétence comme businessman, comme homme d'affaires, là, pour diriger, d'être leader et d'avoir la passion d'être capable de prendre la pression de ce job-là. Parce qu'il y a beaucoup de pression. À mon avis, si les Alouettes sont vendues, le nouveau président devra amener la confiance rapidement, tant chez les partisans que du côté de la communauté d'affaires. Et j'ai posé la question à Larry Smith sur la candidature possible de Pierre Vercheval. Et évidemment, Larry Smith a un respect immense pour Pierre Vercheval. Mais Pierre, c'est un bonhomme avec qui j'ai beaucoup d'admiration, beaucoup de respect. La question pour quelqu'un comme Pierre qui a établi son carrière dans le domaine de communication, est-ce qu'il y a l'autre côté? Et l'autre côté, c'est l'administration d'une business quotidienne. Est-ce que lui veut faire quelque chose comme ça? Parce que ça prend un bagage, si tu veux, avec les outils puis les compétences, incluant le communication. Mais c'est la question, est-ce que Pierre, dans son propre esprit, ouais, est-ce qu'il veut prendre d'avoir une situation de stabilité, puis succès, etc. Parce que malheureusement, le club n'a pas eu le succès sur le terrain. Puis je sais que Pierre a toutes les compétences, mais c'est une question de désir, puis une question pour l'individu. C'est le même type de question qu'il faut poser avec un gars comme Éric Lapointe, qui a bâti un business à côté. Est-ce que vous avez assez de temps pour avoir un autre élément dans ton vie à part de la business que vous avez construit? Et dans le cas d'un gars comme Pierre, Pierre a un grand, grand succès dans le business de communication. Mais le business de communication, c'est un élément essentiel dans ce portrait-là, mais c'est une question de est-ce qu'il peut mettre tous les éléments ensemble pour tomber ou de sauter dans une situation. En terminant, j'ai posé la question. C'est que Larry Smith n'a pas été seulement président des Alouettes, il a été commissaire de la Ligue canadienne de football. Et il y a une entente avec plusieurs pays maintenant pour que la Ligue canadienne de football développe leur produit, soit en Europe et également au Mexique. Et Larry Smith voit d'un très, très bon œil cette entente. Oh, actuellement, oui. Randy Ambrosi, c'est un bonhomme avec une vision. Et c'est un bonhomme qui essaie de construire fait le rayonnement du brand le LCF partout. La question est toujours le plus important, c'est que il faut prendre ça étape par étape, parce que c'est pas juste une question de faire une entente avec une ligue ou un pays à l'étranger, mais c'est une question de établir les objectifs pour voir concrètement qu'est-ce que vous êtes capable de bâtir comme relation qui va livrer les résultats pour les deux personnes, la personne avec qui tu fais le travail et le LCF. Alors, c'est une question très intéressante, Danny, à étudier, regarder, mais félicitations à Randy pour initier cette opportunité pour la Ligue. Donc, voilà les commentaires de l'ex-président Larry Smith sur les rumeurs qui sont survenues sur la vente des Alouettes cette semaine.